Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour d'Hannah Arendt et de son livre « Les origines du totalitarisme ». Aujourd'hui, deuxième épisode, « L'antisémitisme est-il autre chose qu'une haine du juif ?» Entre 1945 et 1949, Hannah Arendt écrit à New York un livre en trois parties qui fut réuni et publié en 1951 aux États-Unis sous le titre « Les origines du totalitarisme ». Il s'agissait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et peu après la révélation des atrocités du nazisme de remonter aux racines idéologiques du système totalitaire. Les deux premières parties du livre ont pour but d'exhumer les trois piliers de l'enfer, l'antisémitisme, l'impérialisme et le racisme. Arendt entend ainsi exhiber dans leur contexte historique les éléments de la honte qui ont rendu possible la mise en place du système totalitaire, analysé dans la dernière partie de l'ouvrage dont nous avons parlé hier. Aujourd'hui, remontons aux origines des origines. De manière apparemment surprenante, le premier chapitre porte non pas sur le totalitarisme, ni sur l'État, ni sur l'impérialisme, mais sur l'antisémitisme. Il faut bien se garder de confondre deux choses très différentes. L'antisémitisme, idéologie laïque du 19e siècle, mais qui n'apparaît sous ce nom qu'après 1870, et la haine du juif, d'origine religieuse. On n'est pas fasciste, connard ! D'abord, ils ont un nez, un drôle de nez, et puis un nom, enfin, un drôle de nom. Ils ont comme un accent, oui c'est ça, un accent, un drôle d'accent qui fait, comment dire, pas français. On dit qu'ils ont de l'argent, oh oui, beaucoup d'argent, qu'ils ont gagné comment? Sûrement pas honnêtement. Ils sont toujours ensemble, qu'est-ce qu'ils complotent ensemble? Et les commères disent... C'est pas qu'on les aime pas, mais... Bonjour Jean-Claude Poisin. Bonjour Adèle Vonnerette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. C'est glaçant d'entendre cette chanson de Philippe Clay, même quand on sait que c'est au second degré, qu'à la fin de la chanson, évidemment, il en appelle à davantage d'amour envers les Juifs. Quand on entend cette chanson après avoir lu le texte d'Arendt, il y a quelque chose d'absolument glaçant, parce que c'est finalement représentatif de la conception d'une certaine partie de la population qui conduit à ce qu'Arendt décrit dans ce texte. Absolument. Arendt décrit des traits... permanent, enfin constant, effectivement, très caractéristique, auquel on identifie et on reconnaît très rapidement et facilement, malheureusement, l'antisémitisme. Vous êtes Jean-Claude Poisin, enseignant au lycée Joliot-Curie à Nanterre, en prépa sup à Paris, chargé de cours à Sciences Po, membre de la revue Le Philosophoir. Vous avez écrit une introduction sur Hannah Arendt qui est absolument pertinente et très agréable à lire et qui remplit le rôle d'une introduction. On s'en est beaucoup servi pour cette émission. Vous avez publié récemment aux éditions Ellipse « Apprendre à philosopher avec la philosophie juive ». Quel lien entretenez-vous avec Hannah Arendt? Ah, écoutez, un lien très fort. Enfin, assez ancien d'ailleurs. J'ai commencé de lire Arendt quand j'étais étudiant, il y a très longtemps, dans les années 90, c'était au siècle dernier. Et je n'ai cessé de la relire depuis et de m'y intéresser. Il y a une sorte de conversation permanente. Alors, en même temps, ma perception, ma vision d'Arendt a évolué aussi, bien sûr. En quel sens? Dans un sens que je qualifierais de très positif, mais disons que j'ai commencé par ne rien comprendre, ou presque. Je me souviens de ma première lecture. Enfin, c'est un texte très déroutant. J'ai lu la crise de la culture et c'était très déroutant. C'est une écriture très particulière. Puis après, je m'y suis repris plusieurs fois, etc., pour rentrer dans ce texte, parce que quelque chose qui m'intriguait, qui m'intéressait là-dedans. Voilà. Et puis j'avais lu aussi assez tôt Eichmann à Jérusalem. Et puis par la suite, j'ai repris ces lectures avec une approche plus académique, disons, et me sentant peut-être plus de plein pied avec ce qu'elle disait. Et puis aujourd'hui, je suis plus dans, je dirais, le prolongement, peut-être, entre guillemets, un peu au-delà d'Arendt, enfin, comme ce qu'Arendt peut apporter à la réflexion contemporaine, notamment. Alors quand on vous a invité pour cette semaine sur les origines du totalitarisme, on vous a demandé de quel point, concept, thème, chapitre vous souhaiteriez parler? Vous avez tout de suite dit l'antisémitisme, qui est donc le premier chapitre. Pourquoi? Comme je vous l'ai signalé, il se trouve que j'ai travaillé récemment sur cette question. On vient de sortir un numéro de la revue Le Philosophoir, le numéro 51, qui est consacré à la question juive. Donc, si vous voulez, au moment où vous m'avez contacté, je sortais de cette publication et de ce travail de plusieurs mois. Et vous avez publié, je l'ai dit, Apprendre à philosopher avec la philosophie juive aux éditions Ellipse. Alors voilà. Alors ça, c'est un autre aspect. Bon, même si la philosophie juive, c'est une question un petit peu différente. Mais enfin, bon, la question de l'antisémitisme n'est pas sans rapport non plus avec ce que je dis dans ce livre. sur la philosophie juive. Et donc voilà, et puis donc évidemment le lien s'est fait immédiatement avec le premier volume du triptyque Les origines du totalitarisme qui est un... Alors comment dire, c'est peut-être pas le meilleur, enfin du point de vue, disons, de l'économie générale de l'ouvrage, c'est peut-être pas la meilleure partie. En même temps, il y a quand même des apports tout à fait décisifs et déterminants, je pense. Surtout, ce qui est surprenant, je le disais en ouverture, c'est qu'elle commence avec la question de l'antisémitisme, alors qu'on attendrait une réflexion sur l'État ou sur d'emblée une définition du totalitarisme. Quel lien y a-t-il, commençons par là, c'est la question qui se pose au lecteur qui ouvre le livre, entre l'antisémitisme et le système totalitaire. Alors, je dirais que l'originalité de la pensée d'Arendt, justement, son apport spécifique, c'est d'avoir montré justement le caractère politique de l'antisémitisme. C'est vraiment ça. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, il y a une énorme littérature critique après qui s'est portée sur cette question. Mais Arendt, en tout cas, a le mérite de s'attaquer, je dirais, vraiment à la dimension, enfin à la fois sociale, mais surtout politique, parce que c'est ça qu'elle a en ligne de mire, si je puis dire, de l'antisémitisme. Donc, Arendt récuse l'idée selon laquelle l'antisémitisme moderne serait le prolongement de la haine anti-juive qui serait fondée sur des motifs religieux, donc ce qu'on appelle l'anti-judaïsme, qui a existé d'une façon ou d'une autre depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Et elle montre que l'antisémitisme a des causes sociales et politiques précises qui sont liées à la modernité occidentale, disons, pour m'exprimer de manière un peu générale. Mmh. Et bon, Arendt montre que l'antisémitisme est lié au fait que les juifs sont entrés dans l'histoire occidentale moderne, et notamment à la suite de l'émancipation et de l'assimilation. Voilà en substance, si vous voulez, la thèse d'Arendt. Et c'est une thèse qui est, alors, pour tout dire, un peu dérangeante quand même, un peu troublante, disons, mais qui amène aussi à réfléchir justement sur la modernité sociale et politique occidentale. Et ça me semble justement une thèse extrêmement intéressante et féconde, si vous voulez. Sa thèse consiste à dire que l'antisémitisme, à titre d'idéologie laïque et proprement politique, serait apparu au XIXe siècle, notamment au moment de l'affaire Dreyfus en France. C'est ça qu'elle défend. Oui, tout à fait. Enfin, oui. L'antisémitisme est lié à la modernité, mais plus précisément, effectivement, il est né à la fin du 19e siècle. Alors, effectivement, la France est un des... C'est même en France que l'antisémitisme s'est exprimé de la manière la plus éclatante, si je puis dire, avec l'affaire Dreyfus, évidemment. Donc dans les années 1890, hein, la fin du siècle. Bon, elle montre qu'en Allemagne, en Autriche, ça avait même commencé un petit peu avant, puisque enfin, le mot antisémitisme a été forgé en Allemagne par Wilhelm en 1870 ou 71. Donc très tardif. Voilà. Et donc c'est vraiment c'est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et c'est cette courte période qu'elle analyse en détail dans son livre. Mmh. Et donc elle fait une sorte d'histoire de l'antisémitisme. Ou on pourrait même dire, elle dit elle-même d'ailleurs, une préhistoire de l'antisémitisme, c'est-à-dire la période qui a précédé l'explosion de l'antisémitisme nazi et totalitaire. C'est-à-dire que il y a un antisémitisme politique qui naît vers les années 1870-80, qui va se développer jusqu'aux années 20, mais ensuite, elle considère que l'antisémitisme nazi marque à nouveau une rupture et ouvre une nouvelle époque de l'antisémitisme. Voilà. Alors, avant qu'on n'entre plus précisément dans le texte et qu'on écoute des extraits de ce texte, on l'a entendu, Hannah Arendt, en tout début d'émission, qui mettait en garde. Elle disait, il faut bien se garder de confondre deux choses très différentes. L'antisémitisme, qui est une idéologie laïque du 19e siècle, mais qui n'apparaît sous ce nom qu'après 1870, et la haine du juif d'origine religieuse. Que signifie cette distinction, Jean-Claude Poisat? Alors, ça c'est une question. Enfin, en réalité, cette thèse a de nombreuses implications. Donc, on va peut-être développer justement ces implications au cours de l'émission. Bon, encore une fois, il s'agit de marquer vraiment le caractère politique et de marquer la rupture. Alors, je voulais citer peut-être un passage. Hein, je ne veux pas abuser des citations, mais Arendt écrit, je cite, « La naissance et la croissance de l'antisémitisme moderne se sont accompagnées d'un phénomène auquel elles étaient directement liées, l'assimilation des juifs, la laïcisation et le dépérissement des anciennes valeurs religieuses et spirituelles du judaïsme. » Et elle ajoute, « Les juifs virent à tort dans l'antisémitisme moderne, antichrétien, l'antique haine des juifs d'origine religieuse. » Donc elle dit là... Alors, il y a beaucoup d'implications là dans tout ce qu'elle dit, évidemment. Ça veut dire que c'est pas d'abord religieux, que l'antisémitisme, c'est pas forcément la haine du juif en tant que juif religieux. Alors, la réponse est non. Hein, mais oui, Arendt veut marquer effectivement une césure dans l'histoire à la fois juive et dans l'histoire occidentale moderne. Et cette césure montre paradoxalement l'émergence de l'antisémitisme à l'époque moderne, c'est-à-dire à la suite en fait de l'émancipation politique des juifs et de leur assimilation sociale. En fait, ce qui fait que l'antisémitisme moderne comporte une double dimension, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, sociale et politique. Bon, et elle examine, elle étudie les deux dimensions, en fait. Donc c'est, alors si vous voulez, ce qu'Anna Arendt repère, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'effet pervers de la modernité, en fait. L'antisémitisme serait une sorte d'effet pervers de la modernité. Alors ce qui fait de cette thèse une thèse critique à l'égard de la modernité aussi. Quand vous dites modernité, vous pensez à quoi? Vous avez raison, le terme est très, très large, mais j'ai évoqué, on va peut-être y revenir, mais la question de l'émancipation politique des Juifs, par exemple, le décret du 27 septembre 1791 en France, le fait que les Juifs accèdent de plein droit à la citoyenneté française et cessent d'être une communauté marginalisée, donc tenue à l'écart du reste de la population, elle montre comment... Là, il faudrait rappeler en détail, bon, c'est très complexe, mais elle montre comment, à la suite de toute une série d'évolutions, si vous voulez, cette émancipation a produit des effets pervers, si vous voulez, qui ont mené, mais encore une fois, par toute une série d'évolutions, donc là, je vais un peu vite à la conclusion, mais à l'émergence de l'antisémitisme, si vous voulez. Ce mécanisme, si vous voulez, c'est difficile de le résumer comme ça très rapidement, mais disons, l'intégration des Juifs aux États-nations européens, notamment en France, hein, donc comme je viens de le dire, avec la Révolution française et l'émancipation, impliquait l'abolition de la différence juive, c'est-à-dire l'abolition notamment aussi de certains privilèges, comme le rappelle Arendt, qui étaient accordés aux Juifs sous l'Ancien Régime, et donc l'égalisation de leurs conditions. Bon, par l'attribution de droits civiques et politiques qui leur sont reconnus à égalité avec les non-Juifs. Arendt d'ailleurs cite le décret d'émancipation, elle cite l'année 1792, donc petite erreur dans le livre, mais enfin, c'est mentionné en note. Bon, peu importe. Vous connaissez la phrase du comte Stanislas de Clermont-Tonnerre qui dit « Il faut tout accorder aux Juifs comme individus et tout leur accorder comme nation ». Bon, le paradoxe de l'émancipation, si vous voulez, c'est que elle vise à égaliser les Juifs, c'est-à-dire en faire des citoyens comme les autres, mais en même temps, elle vise spécifiquement les Juifs comme un groupe social à part, finalement. Donc le paradoxe, c'est qu'il s'agit de fusionner la communauté juive dans la société des individus, en quelque sorte, donc de les faire disparaître en tant que Juifs, mais en même temps, cette émancipation les vise précisément en tant qu'ils forment une communauté à part. Donc il y a là un paradoxe qui va être la source de contradictions et de malentendus qu'Arendt va analyser, si vous voulez, tout au long de l'histoire contemporaine. Alors, on va reprendre le fil de cette analyse en partant des textes. Si vous voulez, on va commencer à lire le début de l'antisémitisme, au début même de la préface à ce texte. On y trouve les lignes suivantes, elles vont être lues par la comédienne Hélène Losseur, qui pose un premier point, et là on remonte en amont et en même temps on comprend pourquoi ce texte ouvre le livre sur les origines du totalitarisme, c'est le lien entre l'antisémitisme et l'idéologie nazie. Nombreux sont ceux qui pensent encore que c'est par accident que l'idéologie nazie s'est cristallisée autour de l'antisémitisme et que la politique nazie s'est fixée pour but, délibérément et implacablement, la persécution puis l'extermination des Juifs. Ce n'est que l'horreur de la catastrophe finale, et plus encore le sort des survivants, déracinés et sans patrie, qui ont donné à la question juive la place essentielle qu'elle a occupée dans notre vie politique quotidienne. Les nazis prétendaient avoir découvert le rôle du peuple juif dans la politique mondiale. Ils proclamèrent leur but, la persécution des juifs dans le monde entier. L'opinion publique ne voulut voir là qu'un moyen de gagner les masses ou un intéressant artifice démagogique. Il est assez facile de comprendre pourquoi on n'a pas pris au sérieux ce que les nazis eux-mêmes proclamaient. C'est l'un des faits les plus irritants et les plus déconcertants de l'histoire contemporaine, que parmi tous les grands problèmes politiques restés sans solution à notre époque, ce soit le problème juif, apparemment limité et de peu d'importance, qui ait eu l'honneur, si l'on ose dire, de déclencher la machine infernale. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'Anna Arendt cette semaine et de son livre Les origines du totalitarisme, aujourd'hui de l'antisémitisme, qui est le titre du chapitre qui ouvre ce texte. Quel est le lien entre l'idéologie nazie et l'antisémitisme? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça arrivait de manière fortuite? Pourquoi est-ce que finalement ce sont les Juifs qui ont été désignés comme victimes, pas uniques victimes, mais victimes majoritaires, disons, de cette idéologie? C'est ce qu'Arendt essaye d'expliquer dans ce texte, Jean-Claude Poisat. C'est un texte qui se veut être explicatif. Elle revendique cette dimension. Oui, alors, si vous permettez, je voudrais revenir un petit peu en amont et peut-être répondre à votre question de tout à l'heure sous un autre angle. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire, c'est que quand on aborde la question de l'antisémitisme, on est confronté à ce que j'appellerais, enfin ce qu'on appelle en anglais un double bind, c'est-à-dire en fait une sorte de double contrainte. C'est-à-dire que si vous cherchez à expliquer l'antisémitisme, c'est-à-dire si vous cherchez à donner des raisons à l'antisémitisme, vous prenez le risque d'entrer dans les raisons des antisémites, c'est-à-dire d'une certaine manière de leur donner raison, C'est un risque, en tout cas. En vertu du fameux adage selon lequel expliquer, c'est toujours justifier un petit peu, qui est en grande partie vrai. Et d'ailleurs, ce risque, donc, Hannah Arendt l'a pris, en fait, et à ses risques et périls, ça s'est retourné contre elle, puisque, comme vous savez, il y a eu des polémiques, évidemment, où Arendt a été mise en cause gravement, violemment, où on l'a accusée même d'être complice des nazis et d'être peut-être elle-même antisémite ou animée d'une sorte de haine de soi juive, en fait. C'est-à-dire qu'elle donne des raisons dans le livre, et elle donne aussi la parole parfois aux antisémites d'une façon provocatrice, ironique, mais parfois extrêmement ambivalente et même un peu troublante finalement. Il y a des formules d'Arendt qui sont très dérangeantes. Bon, et Pierre Bourette, dans son introduction, note effectivement, il n'est pas le seul, qu'elle a le goût de la provocation. Et sans doute était-elle animée aussi d'une sorte de rage, hein, de vouloir régler ses comptes aussi avec un certain nombre de questions. Bon. Donc si vous voulez, d'un côté, vous avez ce problème. Si vous cherchez des raisons, vous risquez de justifier. Et d'un autre côté, si vous dites... Il n'y a pas de raison, c'est-à-dire, si vous dites par exemple comme Jean-Paul Sartre, on aura l'occasion d'en reparler, l'antisémitisme c'est une espèce de haine irrationnelle, et finalement les juifs ont été choisis par hasard, ça aurait pu être un autre groupe, par exemple les asiatiques ou les africains, enfin, Sartre dit le nègre ou le jaune, bon, au fond peu importe, c'est une espèce de loterie, la haine choisit un numéro, et puis le numéro qui sort, il a droit à toute la haine du haineux, bon. Oui, mais si vous dites ça, vous dites que l'antisémitisme n'a pas de raison, et vous en faites une espèce de phénomène mystérieux, complètement irrationnel, énigmatique. Et donc encore plus dangereux. Encore plus dangereux, et puis vous désarmez la pensée, c'est-à-dire on est dans l'incapacité de comprendre et on est impuissant à combattre quelque chose, et puis ça nous entraîne vers une sorte de fatalisme, c'est-à-dire, ça rejoint votre question de tout à l'heure, il y aurait une espèce de haine du juif ancestral, inexplicable, et qui finalement bah, serait une fatalité contre laquelle on ne peut rien, et donc on finirait bien par l'accepter comme quelque chose de quasiment normal, entre guillemets. Bon. Donc on est dans cette espèce d'antinomie, si vous voulez, expliquer ou ne pas expliquer. Dans les deux cas, on est, si je puis dire, on ne peut pas ne pas chercher à expliquer, mais on ne peut pas non plus vraiment expliquer. Bon. Et alors, Hannah Arendt n'échappe pas à ce dilemme, si je puis dire, et malgré tout, elle choisit de trancher dans le vif, puisque elle choisit d'expliquer, comme vous l'avez dit. Donc, c'est-à-dire, le livre L'antisémitisme, c'est un effort pour essayer de. Alors, elle utilise plutôt le verbe comprendre. Elle a écrit d'ailleurs un article qui s'appelle Compréhension et politique, dans lequel elle explique longuement sa méthode, et elle dit, voilà, elle essaie de comprendre l'antisémitisme, mais elle dit bien aussi, comprendre n'est pas pardonner. Donc, il faudrait préciser les choses, mais il s'agit de comprendre sans pardonner, et il s'agit d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé, et de se mettre à la place aussi, dans une certaine mesure, de ces gens, les antisémites, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais évidemment, ça ne veut pas dire légitimer ou justifier leur point de vue. Ça, c'est ce que fait Sartre. Arendt fait la même chose. Arendt ne se met pas dans la peau des antisémites. Elle essaie de comprendre les mécanismes qui ont conduit au lien si fort entre antisémitisme et nazisme. Elle cherche à comprendre, c'est-à-dire à entrer quand même dans les raisons. C'est là où est l'ambiguïté, si vous voulez. Mais pas de manière psychologique. Non, elle s'intéresse de manière sociale et politique, et effectivement, tout à fait. Sur la question délicate du rapport d'Anna Arendt au judaïsme, elle l'écrit à Gershom Scholem, elle dit, elle commence par dire « Le mal commis par mon peuple m'afflige naturellement plus que le mal commis par d'autres peuples. » Et elle ajoute « Vous avez tout à fait raison, je ne suis animée d'aucun amour de ce genre. Et cela pour deux raisons, je n'ai jamais aimé dans ma vie aucun peuple. En second lieu, cet amour des juifs, comme je suis juive moi-même, me paraît plutôt suspect. » C'est quand même dingue d'écrire ce type de ligne alors qu'elle est en train de rédiger. Enfin, c'est après d'ailleurs, c'est en 1963, mais elle a écrit un essai sur le totalitarisme et tout ce chapitre sur l'antisémitisme. Et elle explique elle-même la suspicion qu'elle a à l'égard de sa propre judéité. Alors ça, oui, c'est... Mais c'est pas secondaire par rapport au texte, c'est pour ça que je le cite. C'est quand même, on a envie de savoir comment Arendt elle-même conçoit cette religion et son rapport à la judaïté quand elle écrit ces lignes-là. Bah, elle a un rapport, comme vous dites, à la judéité, c'est-à-dire à une certaine identité juive, mais qui n'est pas religieuse. Alors c'est lié à son analyse aussi de l'antisémitisme, c'est-à-dire Arendt n'est pas religieuse. Hein, elle a pas vraiment elle a grandi dans une famille laïque assimilée, donc elle a pas vraiment de lien avec le judaïsme. Et puis sa judéité, donc c'est-à-dire son identité juive, est pas tellement culturelle, puisque elle se considère, enfin elle dit elle-même que sa culture c'est la culture allemande, que sa langue c'est la langue allemande. Elle se considère comme une Allemande, sauf que c'est une Allemande qui a été chassée de l'Allemagne, et qui a été... Donc si vous voulez, la biographie d'Arendt est claire, évidemment, en grande partie aussi sa pensée, c'est-à-dire c'est une juive qui a été éduquée, formée en Allemagne dans l'entre-deux-guerres, et qui se retrouve expulsée hors d'Allemagne, et qui n'a pas d'autre bagage culturel que cette culture allemande et européenne, en fait. Et je pense qu'elle a porté le deuil de cette Europe, finalement, qu'elle ne s'est jamais résolue non plus à vraiment quitter ou abandonner. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle elle n'a pas suivi les sionistes, si vous voulez, qui revendiquaient le fait de quitter l'Europe, finalement. Les sionistes sont des gens qui disent, ben, nous n'avons plus rien à faire en Europe. Elle était critique envers l'instauration de l'État d'Israël. Absolument. Absolument. Elle était amie avec Kurt Blumenfeld, qui a été son mentor en fait en politique. Elle a pendant un temps, elle a subi l'influence, si je puis dire, du sionisme, qu'elle a suivi jusqu'à un certain point. Elle dit que le sionisme a eu un rôle critique tout à fait important pour les juifs en Europe, et elle reconnaît au sionisme un rôle positif à ce moment-là. Mais elle va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire effectivement la création de l'État-nation séparé hors d'Europe, ça c'est quelque chose qu'elle ne peut pas suivre jusqu'au bout. Mais je pense que c'est d'abord pour des raisons biographiques, c'est que Arendt ne souhaite pas quitter l'Europe, si vous voulez, à la fois comme non seulement comme territoire, mais aussi comme culture dans laquelle elle a été formée, encore une fois. Bien qu'elle soit aux États-Unis au moment où elle rédige ce texte. Tout à fait. Mais en 64, elle déclare encore que sa langue, c'est l'allemand, et que et les auteurs qu'elle cite sont pour la plupart des auteurs allemands, même si elle a su aussi écrire en anglais et s'assimiler la culture anglo-américaine. Elle reste quand même profondément allemande jusque dans l'après-guerre. Alors, pour comprendre le lien entre nazisme et antisémitisme, puisque c'était l'objet du premier texte que nous avons entendu et qui est celui qui ouvre le chapitre sur l'antisémitisme, il faut garder en tête un élément très important. Vous l'avez à peine évoqué et on va entendre un second texte très court qui nous permet de préciser les choses à ce sujet, c'est qu'il y a un lien entre l'antisémitisme et l'État-nation. Et qu'en réalité, c'est parce que l'État-nation a longtemps eu besoin des Juifs pour exister comme tel et que les Juifs ont longtemps eu besoin des États-nations pour exister comme tel, qu'une sorte d'alliance avait été créée qui a été rompue quand ce besoin de part et d'autre s'est fait moins sentir, ce qui a engendré l'antisémitisme. Écoutez le texte. Les Juifs ne formaient pas une classe distincte, et ils n'appartenaient à aucune des classes de leur pays respectif. Considérés comme groupe, ils n'étaient ni ouvriers, ni bourgeois, ni propriétaires fonciers, ni paysans. Leur richesse faisait d'eux apparemment des bourgeois, mais ils ne participaient pas au développement capitaliste de la bourgeoisie. C'était à peine s'ils étaient présents dans le secteur industriel. Les Juifs se définissaient ainsi socialement en tant que Juifs et non par leur relation avec une autre classe. La protection spéciale qu'ils reçurent de la part de l'État et les services particuliers qu'ils rendirent au gouvernement les empêchèrent à la fois de se fondre dans un système de classe et d'accéder eux-mêmes au statut de classe distincte. L'État-nation avait besoin que les Juifs restent un groupe distinct et ne s'intègrent pas à la société des classes. Les Juifs avaient besoin de préserver leur identité et de survivre en tant que groupe. Jean-Claude Poisat, dans quelle mesure est-ce que l'interprétation d'Arendt, qui lie donc ensemble la question de l'antisémitisme et celle du sort des États-nations, est novatrice ? Est-ce qu'Arendt est la première à faire cette analyse-là ? Elle est l'une des premières, certainement, à faire ce lien, effectivement, et à montrer que ce n'est pas seulement un problème social, ni encore moins psychologique, mais effectivement, proprement politique. Et donc, elle retrace une histoire sociale et politique de l'Europe, et elle inscrit l'antisémitisme au cœur de cette histoire-là, effectivement. Alors, si vous voulez, sur le texte qui vient d'être lu, c'est le prolongement de l'analyse que j'évoquais tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'émancipation et des paradoxes de l'émancipation. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué le paradoxe politique de l'émancipation, hein, c'est-à-dire vouloir fondre la communauté juive dans la société démocratique moderne et en quelque sorte les faire disparaître en tant que juifs, mais ce qui va générer toutes sortes de contradictions qui expliquent en partie cet antisémitisme politique. Maintenant, il y a aussi une analyse économique et sociale. Alors, qui s'inspire en partie de Marx, mais au travers aussi du prisme de Rosa Luxembourg, donc c'est-à-dire une analyse effectivement qui met en avant les facteurs économiques. Alors Arendt montre que l'État-nation a eu besoin de financer son développement après la Révolution, et qu'il a fait appel pour cela aux moyens financiers qui étaient propres justement à la communauté juive. Bon, c'est-à-dire les héritiers de ceux qu'Arendt appelle les juifs de cour, qui étaient sous l'Ancien Régime les financiers de la monarchie, et qui sont devenus ensuite en quelque sorte les financiers de l'État-nation. Mais ils sont devenus à ce moment-là ceux qu'elle appelle les juifs riches, hein, donc, et au cœur de cette histoire, Hannah Arendt s'attarde sur la figure par exemple de la famille Rothschild, enfin des Rothschild, donc ces banquiers juifs qui ont joué un rôle très important dans l'histoire sociale et économique de l'Europe, notamment au XIXe siècle. Et ce qu'Arendt montre, c'est une convergence d'intérêts entre l'État-nation, qui cherche les moyens de son développement économique, et les Juifs, ou la communauté juive, disons, qui cherche à préserver ses intérêts et sa cohésion en tant que communauté. Enfin, c'est ce que dit Arendt. Et alors, là encore, vous voyez, cette thèse est très ambivalente, parce que ce que Arendt, finalement, dit, c'est qu'il y a une co-responsabilité, à la fois de la société non-juive et des États-nations européens, mais aussi des Juifs eux-mêmes, dans cette préhistoire de l'antisémitisme. C'est-à-dire que les Juifs ont été acteurs, à partir du moment où ils sont entrés dans la société occidentale moderne, enfin européenne moderne, par l'émancipation puis par l'assimilation, ils sont devenus des acteurs de l'histoire. Et ça veut dire, acteurs de l'histoire, ça veut dire qu'ils ont une co-responsabilité dans ce qui s'est passé finalement. Alors c'est cette thèse évidemment qui est gênante, vous voyez, parce que au fond, en partie, Arendt dit que les Juifs ont une part de responsabilité aussi. Mais ce qui en plus ne veut rien dire, parce que là elle parle des Juifs, vous dites, depuis leur insertion dans la société occidentale. C'est-à-dire que c'est les Juifs en général, là on parle de Juifs, des victimes en particulier du totalitarisme, c'est pas la même chose. Alors quand elle parle, quand elle parle des Juifs, effectivement parfois il y a une ambiguïté parce qu'il y a une sorte de généralisation, alors qu'en fait Arendt distingue souvent, elle s'appuie sur une distinction qu'elle a reçue de Bernard Lazare, entre ceux qu'elle appelle les parvenus et les parias, donc c'est-à-dire entre une élite sociale juive riche et puis des masses juives pauvres en fait, paupérisées ou prolétarisées, etc. Et donc elle analyse aussi la dialectique, si vous voulez, entre justement ces élites et cette masse, et en montrant un jeu un petit peu dramatique qui fait que la proximité entre les élites et le pouvoir produit des effets négatifs sur les masses finalement. C'est-à-dire que les masses sont d'autant plus discriminées qu'une petite élite, elle, est reçue soit auprès du pouvoir monarchique avant la Révolution, soit auprès des États-nations après la Révolution. Et c'est cette espèce de dialectique qui va aussi nourrir l'antisémitisme, selon Arendt. Et donc le lien entre l'État-nation et l'antisémitisme, en fait, c'est une perspective qui est plutôt historique et qui montre que pour des raisons économiques, politique, même historique au sens large, le sort des Juifs dans la société a changé, la place a changé, donc leur sort a changé. Mais comment passe-t-elle de ce diagnostic au constat que nous sommes bien obligés de faire, que les Juifs sont devenus les victimes du nazisme ? Une chose est de dire que l'antisémitisme s'est accru avec le changement de conception de l'État-nation, une autre est de dire qu'elles sont devenues assez naturellement les victimes du nazisme. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une césure, effectivement, entre cette préhistoire de l'antisémitisme, en fait, et l'antisémitisme qu'Arendt appelle totalitaire, c'est-à-dire l'antisémitisme nazi, qui est aussi un antisémitisme exterminateur. Alors là, il y a une analyse politique plus précise, qui est de dire, à un moment donné, l'antisémitisme est devenu effectivement un motif politique central d'un certain nombre de partis, qui se sont intitulés eux-mêmes des partis antisémites, et qui avaient pour objectif de transformer l'ordre politique européen tout entier, c'est-à-dire, en fait, de dépasser le système des États-nations. Et elle dit, cet antisémitisme-là, il a une perspective supranationale, ou paradoxalement, il n'est pas nationaliste, en fait. C'est-à-dire, il y a un antisémitisme nationaliste, au moment de l'affaire Dreyfus, par exemple, le nationalisme de Barrès, le nationalisme intégral de Maurras. Elle dit, ce sont des formes d'antisémitisme politique, mais c'est pas la même chose que l'antisémitisme nazi. Parce que l'antisémitisme nazi, lui, il a pour objectif, effectivement, de détruire le système européen des États-nations. Et s'il s'en prend aux Juifs, dit-elle, c'est précisément parce que les Juifs ont joué le rôle d'une minorité inter-européenne, c'est-à-dire qui relie les États-nations en Europe. Elle prend l'exemple de Walter Rathenau, par exemple. Enfin, qui est-il? Alors, le ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar, et elle dit, qui a été assassiné, en fait. Et Walter Rathenau, il est le symbole pour les antisémites nazis de ce qu'ils veulent détruire en Europe, c'est-à-dire le système des États-nations et ce rôle des Juifs comme, en quelque sorte, ce lien entre les États-nations. Elle dit le peuple juif, c'est le seul vrai peuple européen, parce que c'est un peuple qui n'a pas de territoire. Et donc, c'est un peuple qui est disséminé dans tous les États-nations européens et qui fait le lien entre ces États-nations. Et c'est cela que les nazis ont voulu détruire, finalement. Donc, d'une certaine manière... C'était stratégique. Tout à fait, c'est ce qu'elle dit. C'est délibéré. Alors, est-ce que c'était totalement conscient? Pas forcément, mais elle dit qu'à posteriori, ça révèle quelque chose de profond, c'est-à-dire vraiment la remise en cause du système politique européen tel qu'il s'était mis en place, c'est-à-dire autour de la construction d'États-nations. Bon. Et c'est ça, le cœur de l'antisémitisme nazi, selon Hannah Arendt. Donc il y a une différence qui n'est pas simplement de degré, c'est-à-dire que c'est vraiment entre l'analyse historique qu'elle produit et le constat quasiment contemporain qu'elle fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas simplement juste la continuation de ce qui se passait avant. Non, voilà, c'est ça. Alors, Arendt marque une série, elle montre, petite parenthèse, l'approche historique d'Arendt n'est jamais continuiste, c'est-à-dire Arendt, justement, au contraire, s'attache à montrer des discontinuités, c'est-à-dire qu'elle marque toujours des ruptures et des césures qui font qu'effectivement, une période qui suit ou qui précède une autre période va marquer des changements profonds, des restructurations, etc. Donc, on n'est pas du tout dans la continuité de processus de long terme, on est plutôt dans une série de changements qui vont expliquer, effectivement, l'antisémitisme. Arendt cite Diderot, dans l'article juif de l'encyclopédie, à propos de ce qu'on disait à l'instant. Je voudrais juste citer cet article qui dit la chose suivante. Donc, il est cité par Arendt, page 52 dans le livre. Je cite Diderot. « Ainsi répandu de nos jours, les juifs sont devenus des instruments par le moyen desquels les nations les plus éloignées peuvent converser et correspondre ensemble. Il en est d'eux comme des chevilles et des clous qu'on emploie dans un grand édifice et qui sont nécessaires pour enjoindre toutes les parties. » Donc voilà, les juifs relient les états-nations et permettent des échanges, une communication entre ces états-nations. Et c'est cela que l'antisémitisme nazi criminel a voulu détruire. Voilà, c'est ce qu'elle dit, en fait. Et à partir du moment où, effectivement, il y a une perspective supranationale de destruction des états-nations, il était logique, dit-elle, que les juifs soient désignés comme les premières victimes de l'effondrement de ce système. Si on lit le chapitre antisémitisme, on trouve quatre temps. Le premier s'appelle l'antisémitisme insulte au sens commun, puis les juifs, l'état-nation et la naissance de l'antisémitisme, ça vous venez de le raconter. Troisièmement, les juifs et la société. Quatre, l'affaire Dreyfus. Alors, l'affaire Dreyfus, c'est assez intéressant qu'elle conclue son texte là-dessus, comme c'était vraiment la cristallisation du phénomène qu'elle était en train d'écrire. Je vous propose d'écouter une archive de 1948, et puis ensuite, on commentera ce que dit Arendt. En octobre 1894, un capitaine juif, Alfred Dreyfus, était arrêté. Dans des conditions de secret, il fut enfermé à la prison du Cherche-Midi et jugé dans des conditions extrêmement surprenantes et suspectes à la fin du mois de décembre. Il fut condamné à la dégradation et à l'emprisonnement dans une enceinte fortifiée. Au début de janvier, après sa dégradation, il fut envoyé aux îles du Diable, sur la côte la plus inhospitalière de l'Amérique du Sud, et là, il allait expier pendant de longues années un crime qu'il n'avait pas commis. Mais en France, sa famille, ses amis, qui savaient son innocence, entreprirent les recherches nécessaires afin de faire éclater la vérité. Et dans ce chapitre, Hannah Arendt insiste bien, elle dit « Jusqu'à nos jours, le terme anti-Dreyfusard est resté synonyme d'anti-républicain, d'anti-démocratique et d'antisémite. » Jean-Claude Poisat. Oui, alors Hannah Arendt, dans le livre, dit « L'affaire Dreyfus, je cite, donne l'impression d'assister à une gigantesque répétition générale d'une représentation qui fut retardée de plus de 30 ans. » Donc effectivement, l'antisémitisme est un peu la répétition générale de l'explosion d'antisémitisme qui aura lieu donc au XXe siècle. Sauf que, en même temps, elle dit « Cet antisémitisme-là, encore une fois, il est différent de l'antisémitisme nazi. » Donc c'est à la fois une répétition générale dans le sens où il y a un certain nombre d'éléments qui vont se cristalliser à ce moment-là et qui vont révéler encore une fois la dimension politique de l'antisémitisme. Les antisémites visent la République. Alors là, pour le coup, ce sont les antisémites politiques dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le nationalisme ethnique ou une sorte de nationalisme traditionnaliste lié aussi au catholicisme qui vise les juifs en tant que communauté protégée par l'État, finalement. Et donc, à travers les juifs, on attaque aussi la République et l'État républicain. Ça, c'est un antisémitisme politique. Bon, elle dit, effectivement, c'est une dimension tout à fait importante qui révèle la nature politique de l'antisémitisme. Et en même temps, l'affaire Dreyfus appartient, dit-elle, au XIXe siècle. Et ce n'est pas encore la même chose que l'antisémitisme du XXe siècle, c'est-à-dire l'antisémitisme criminel. Les antisémites français, dit-elle, sont finalement des antisémites qui restent, qui pensent dans le cadre de l'État-nation, malgré tout. Ils ne pensent pas encore en termes de supranationalité ou d'une vision raciste, en fait, proprement raciste et exterminationniste. Pour Hannah Arendt, l'intérêt de l'affaire Dreyfus réside dans ses conséquences politiques. On l'aura compris, elle montre que l'affaire commence à, non pas, dit-elle, avec l'arrestation d'un officier juif accusé à tort, mais avec le scandale de Panama. C'est ce qu'elle identifie comme étant la cause de l'affaire Dreyfus. Alors, le scandale de Panama éclate en 1892, effectivement, et l'affaire Dreyfus démarre en 1894. Donc, chronologiquement, elle montre, effectivement, et Clémenceau avait été impliqué dans l'affaire de Panama, enfin, bon, indirectement, mais enfin, il avait été touché. Et effectivement, elle montre que cette affaire de Panama, effectivement, a jeté le discrédit, elle a été utilisée aussi pour cela, pour jeter le discrédit sur les institutions républicaines et montrer la corruption des milieux d'affaires. Évidemment, les antisémites ont fait le lien. Drumont fait le lien, parce que Drumont a joué un rôle aussi dans le scandale de Panama, dans son journal La Libre Parole. Il a distillé quotidiennement tous les pièces du dossier, avec une sorte de délectation. Il montre la corruption dans une espèce de feuilleton, etc. Donc, il a distillé dans la société française cette idée qu'il y avait un lien entre effectivement la corruption économique, la corruption politique de la République et les juifs, en particulier les banquiers juifs, qui auraient joué un rôle dans cette affaire. Donc, effectivement, c'est un moment clé du développement de l'antisémitisme en France à la fin du XIXe siècle. Et en même temps, Arendt dit que cet antisémitisme là, il fait écho à celui qu'on retrouve en Allemagne ou en Autriche, par exemple. Donc pourquoi prend-elle ce cas en particulier? Est-ce qu'il y a un lien particulier avec la France ou c'était l'événement le plus contemporain auquel vous pouvez faire référence? C'est quand même le grand événement européen. L'affaire Dreyfus, c'est un événement politique majeur en Europe. Et encore une fois, c'est la répétition générale, donc c'est-à-dire, enfin, selon son expression. Donc c'est-à-dire, c'est quand même l'événement qui a révélé l'explosion de l'antisémitisme en Europe. Je rappelle aussi qu'à ce moment-là, Theodor Herzl, en tant que journaliste, est venu à Paris et qu'il a vu cette violence parce que dans la rue, on crie mort aux Juifs à Paris. Et il voit cette violence populaire se déchaîner à Paris et il en conclut que l'antisémitisme va progresser en Europe et que les Juifs n'ont plus leur place en Europe. Et de là, il en déduit que, selon l'idéologie sioniste, il faut quitter l'Europe. C'est-à-dire que les antisionistes considèrent que l'antisémitisme ne fera que s'amplifier en Europe. Bon. Contrairement à la thèse progressiste que Arendt critique par ailleurs, c'est-à-dire l'idée que l'antisémitisme sera un phénomène résiduel qui va disparaître grâce à la modernisation de la société. Pas du tout, il ne va faire que s'amplifier. Et c'est ce que révèle cette affaire, notamment. Et le texte se termine, donc le chapitre sur l'antisémitisme qui se conclut avec la partie sur l'affaire Dreyfus. Arendt écrit ceci. Ainsi se termine le seul épisode où les forces souterraines du XIXe siècle se soient montrées dans la pleine lumière de l'histoire. Sa seule conséquence visible fut la naissance du mouvement sioniste, seule réponse politique que les Juifs aient jamais trouvée à l'antisémitisme et seule idéologie qui ait tenu sérieusement compte d'une hostilité qui allait les placer au cœur des événements mondiaux. C'est-à-dire combien elle se positionne par rapport à ça? Tout à fait, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sionistes ont compris ce qui se passait. Et ce sont les seuls qui ont compris. Alors Arendt n'accepte pas les conclusions qu'ils en tirent, si vous voulez, mais je dirais qu'elle leur reconnaît un bon diagnostic sur le développement de l'antisémitisme comme un phénomène non pas mineur ou marginal, mais central du développement des sociétés européennes, en fait. Et ça, ceux qu'on pourrait appeler les assimilationnistes, hein, c'est-à-dire... Arendt, si vous voulez... Elle est plutôt proche des sionistes et plutôt hostile à ceux qu'on peut appeler les assimilationnistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que les Juifs vont s'assimiler progressivement et que l'antisémitisme va disparaître. À la même époque, Durkheim considère que l'antisémitisme est un phénomène finalement résiduel qui va petit à petit disparaître. Bon, avec le recul, évidemment, c'est un aveuglement effrayant. Ou bien en Allemagne, par exemple... Le philosophe Hermann Cohen, dans un texte qui s'appelle « Germanité et judéité » qu'il avait écrit en 1915, prônait l'assimilation totale des Juifs à l'Allemagne. C'est-à-dire une convergence totale du judaïsme et de la germanité. C'est-à-dire que les Juifs sont appelés à devenir des Allemands, à devenir même plus Allemands que les Allemands. Les meilleurs Allemands, ce sont les Juifs. Bon. Et elle dit « Cette vision de l'assimilation est une impasse tragique. Bon. » Et les sionistes ont su en tirer les conséquences et Arendt leur reconnaît ce mérite. Même si, encore une fois, elle ne les accompagne pas jusque dans la création d'un État-nation qui, selon elle, va recréer d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, pour résoudre un problème, on va en recréer un autre. Alors, c'est une autre affaire, mais évidemment, la création de l'État-nation d'Israël va susciter d'autres difficultés qu'Anna Arendt, évidemment, a aussi, par ailleurs, analysées dans d'autres textes. En 1946, donc au moment... où Hannah Arendt écrit les origines du totalitarisme, Jean-Paul Sartre rédige les réflexions sur la question juive. Il y est question également évidemment d'antisémitisme, leurs deux thèses sont pourtant très différentes. Je vous propose qu'on écoute un extrait des réflexions sur la question juive de Sartre. Vous nous direz ensuite, Jean-Claude Poisat, comment Arendt se positionne par rapport à ces thèses. L'antisémite est un homme qui a peur. Non des juifs, certes. De lui-même. De sa conscience. De sa liberté. De ses instincts. De ses responsabilités. De la solitude, du changement, de la société et du monde, de tout, sauf des juifs. C'est un lâche qui ne veut pas s'avouer sa lâcheté, un assassin qui refoule et censure sa tendance au meurtre sans pouvoir la réfréner, et qui pourtant n'ose tuer qu'en effigie ou dans l'anonymat d'une foule. Un mécontent qui n'ose se révolter de peur des conséquences de sa révolte. En adhérant à l'antisémitisme, il n'adopte pas simplement une opinion, il se choisit comme personne. Il choisit la permanence et l'impénétrabilité de la pierre, l'irresponsabilité totale du guerrier qui obéit à ses chefs, et il n'a pas de chef. Il choisit de ne rien acquérir, de ne rien mériter, mais que tout lui soit donné de naissance, et il n'est pas noble. Il choisit enfin que le bien soit tout fait, hors de question, hors d'atteinte. Il n'ose le regarder de peur d'être amené à le contester et en chercher un autre. Le juif n'est ici qu'un prétexte. Ailleurs, on se servira du nègre, ailleurs du jaune. L'antisémitisme, en un mot, c'est la peur devant la condition humaine. L'antisémite est l'homme qui veut être roc impitoyable, torrent furieux, foudre dévastatrice, tout sauf un homme. L'antisémite est un homme qui a peur, c'est l'homme qui veut être roc impitoyable, torrent furieux, foudre dévastatrice, tout sauf un homme. C'est ce qu'écrit Jean-Paul Sartre dans ses réflexions sur la question juive. Est-ce qu'Anna Arendt a lu ce texte, Jean-Claude Poisin ? Absolument. Et d'ailleurs, je voudrais... Avant de rédiger le sien ? Alors, il est paru en 1946. Ouais. Vous étiez en train de rédiger. Absolument. Bon, il y avait une ébauche du texte de l'antisémitisme dès 1938, hein, mais elle a retravaillé. C'est un texte qu'elle a retravaillé en fait pendant plusieurs années, même plusieurs décennies. Donc, mais je voudrais vous citer simplement ce qu'elle dit dans la préface. Elle dit quelque chose, fait une critique toujours comme à la façon d'Arendt, c'est-à-dire très ironique, même assez féroce. Voici ce qu'elle dit. La conscience juive n'a jamais été une simple création de l'antisémitisme. Une connaissance même sommaire de l'histoire juive, dont le souci constant depuis l'exil babylonien a toujours été la survie du peuple juif, en dépit des dangers énormes résultant de sa dispersion, suffirait à écarter le mythe le plus récent sur ce sujet, devenu à la mode dans les cercles intellectuels depuis que l'existentialisme sartrien a défini le juif comme celui qui est considéré et défini comme juif par les autres. Bon. Mm-hmm. Donc, c'est une thèse à la mode chez les intellectuels parisiens, mais c'est un mythe. Sartre ne connaît rien à l'histoire juive. C'est ce que dit Arendt, mais il faut dire que le texte de Sartre prête le flanc à cette critique, parce qu'on l'a entendu, on n'a entendu qu'un extrait, mais en fait il s'intéresse plus à l'antisémite qu'au juif. Absolument. Il a cette phrase incroyable, il dit « si le juif n'existait pas, l'antisémite l'aurait inventé ». Tout à fait. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le juif n'est qu'un prétexte pour Sartre. Et ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, le jaune ou le nègre, dit Sartre. Bon. Or, Arendt, évidemment, s'insurge complètement contre cette vision, puisque, comme on l'a rappelé dans le texte numéro 1, ce n'est pas par hasard que les Juifs ont été choisis, dit-elle. Et ça rejoint son analyse politique. Mmh. Il y a des raisons historiques, sociales et politiques qui expliquent pourquoi les Juifs ont été choisis et pas un autre peuple. Et, au fond, ce qu'elle dénonce chez Sartre, c'est ce qu'elle appelle elle-même, d'ailleurs, une certaine fuite dans la généralité, si vous voulez. Il faut quand même rendre hommage à Sartre. Le texte de 46 est un très beau texte et un texte qui a beaucoup frappé à l'époque et qui rendait hommage et qui rendait justice aux Juifs aussi, juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire dans le sens où Sartre reconnaissait effectivement la spécificité du problème juif. Bon, ce qui était quand même la moindre des choses après la Seconde Guerre mondiale. Mais tout de même, un grand intellectuel français prenait la défense des Juifs en disant pas un Français ne sera en sécurité tant qu'on touchera le cheveu d'un Juif. Bon, donc tout ça, tout à fait noble et louable, évidemment. Mais ce qui lui a été reproché, c'est quand même d'avoir une vision des Juifs tout à fait extérieure, tout à fait ignorante et finalement presque un peu hautaine, voire un peu arrogante. À un moment donné, Sartre dit, face aux Juifs qui portaient l'étoile jaune, on ne pouvait que détourner le regard. Et Sartre, au fond, il a été tristement banal. Il a fait comme beaucoup de gens, il a détourné le regard, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu voir le problème. Donc le philosophe de l'engagement, au moment où il aurait fallu s'engager le plus, a détourné le regard. Donc tout ça fait un peu désordre. Mais enfin, disons que, pour revenir à ce que dit Anna Arendt, la fuite dans la généralité, c'est le fait de considérer effectivement que le problème juif serait un problème moral ou un problème de philosophie générale. Sartre est un moraliste aussi, donc effectivement, il construit une figure de l'antisémite, il décrit les passions, etc. Mais ce qu'Anna Arendt lui reproche, c'est de ne pas voir, encore une fois, le contexte social et politique précis qui explique cet antisémitisme. Les généralités philosophiques sont une sorte de fuite devant les réalités politiques. C'est une thèse constante d'Arendt, en fait. D'une certaine manière, est très critique à l'égard des philosophes. D'autant que ce qu'Arendt décrit dans son texte sur le totalitarisme s'applique au régime communiste que soutient Sartre à cette époque. Enfin, qu'a soutenu Sartre, en tout cas. Elle fait le parallèle, effectivement. Entre nazisme et communisme. Oui, et puis elle évoque aussi la question juive de Marx. Vous savez, dans le livre sur l'antisémitisme, il y a un sous-chapitre qui est consacré à l'antisémitisme de gauche. Donc, elle montre que la gauche n'a pas été épargnée par l'antisémitisme, loin de là. Donc, l'antisémitisme n'est pas imputable seulement à un nationalisme de droite, il y a un antisémitisme de gauche. La question juive de Marx, 1843, a donné lieu à quand même un certain nombre de critiques et d'analyses, dont certaines consistent à dire, au fond, que c'est un texte antisémite. Et donc, si vous voulez, Sartre, qui se réclame d'une tradition marxiste par ailleurs, par rapport à la question juive, n'est peut-être pas le meilleur analyste, disons, aux yeux d'Arendt. Mais la question que pose la réflexion d'Arendt, celle de Sartre, et puis vous avancez celle de Marx, même si on ne va pas l'examiner précisément comme on l'a fait avec les deux autres, c'est celle des dangers d'une essentialisation du juif. Parce qu'en fait, dans les textes que l'on aborde, on parle du juif comme si le juif signifiait quelque chose. Une fois que Arendt parle d'idéologie sociale, donc elle s'adresse à un point de vue purement social, Sartre parle du point de vue de l'antisémite, donc il réduit le juif à ce qu'on en voit. Que reste-t-il en fait de ce qu'on pourrait appeler l'essence du juif? Est-ce qu'elle existe? C'est ça la question philosophique. Et c'est là où finalement toutes les réflexions sur la question juive, pour parodier le texte de Sartre, y compris dans la philosophie juive, ne s'accordent pas. Et c'est ça qui est redoutable. Mais si vous voulez, enfin Sartre, de mon point de vue, a une vision, enfin bon, dialectique, je dirais, enfin et un peu schématique au fond. Effectivement, il combat l'essentialisme. Bon, c'est louable, effectivement, mais il le combat d'une manière tellement virulente que, à mon avis, il tombe dans l'excès puisqu'il finit par dire que le juif n'existe pas. C'est juste une invention de l'antisémite. Bon, donc il y a une sorte de déréalisation complète de l'existence juive. Bon, et Hannah Arendt, évidemment, est très critique à l'égard de ça, comme le texte que j'ai cité tout à l'heure le rappelle. Il y a une histoire juive avant l'antisémitisme. Et comme on a dit tout à l'heure, s'il est vrai que l'antisémitisme est une création moderne, bon, bah, l'histoire juive est bien antérieure à la modernité. Donc, y a pas la condition juive n'est pas le produit ni de la modernité, ni de l'antisémitisme. Tout simplement. Et Arendt suggère qu'une simple connaissance de l'histoire juive que manifestement Sartre n'avait pas, aurait permis de dissiper un malentendu, finalement. Et la thèse selon laquelle c'est l'antisémite qui fait le juif est très ambiguë et presque perverse, parce que encore une fois, effectivement, elle accorde peut-être beaucoup trop à l'antisémite. Enfin, elle accorde certainement beaucoup trop à l'antisémite. Alors, Arendt pense qu'il existe un peuple juif. Bon. Alors maintenant, vous posez une bonne question, une question difficile, c'est en quoi consiste ce peuple juif, puisque Arendt ne se réclame pas d'une tradition religieuse, puisque Arendt a une culture juive, finalement, qui est assez, assez faible, hein, puisque ses références sont plutôt européennes et notamment allemandes. Alors, paradoxalement, elle se réfère quand même à l'histoire juive depuis l'exil babylonien. Bon, donc elle retrace quand même une histoire juive et au souci juif de la survie du peuple. Donc, pour Arendt, la judéité, c'est quand même une référence à un passé commun du peuple juif, ça c'est certain. Mais c'est aussi le développement d'une conscience de soi dans la modernité. Et c'est là où on revient aux sionistes, c'est-à-dire le mérite des sionistes, c'est d'avoir développé, dit Arendt, une conscience critique de soi des juifs dans la modernité. Donc, moi, ça me fait penser un peu à la thèse de Renan sur qu'est-ce qu'une nation. C'est-à-dire, vous savez, l'héritage du passé reçu et en même temps la volonté de continuer de vivre ensemble. Bon, il y a le peuple juif, au fond, c'est à la fois le souvenir du passé et la volonté de continuer à exister dans la modernité. Bon, il me semble qu'on pourrait dire, même, rien ne se réfère pas du tout à Renan, mais je fais une sorte d'analogie là, un petit peu personnelle, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Arendt défend l'idée d'un peuple juif qui ne serait ni religieux, ni même culturel, mais qui serait encore une fois surtout politique au sens où l'entend Arendt, c'est-à-dire une mobilisation. Arendt plaide effectivement pour que les juifs s'organisent, hein, pour que durant la guerre, elle plaidait pour que les juifs forment une armée juive pour combattre les nazis. C'est-à-dire, à chaque fois, elle plaide pour que les juifs prennent conscience d'eux-mêmes en tant que catégorie sociale et en tant que peuple européen, se mobilise et s'engage dans les affaires européennes. C'est ça, au fond, qu'elle demande. Et les analyses sartriennes ont pour effet pervers de, non seulement de déréaliser l'existence juive, mais en quelque sorte de déresponsabiliser les juifs, puisqu'on en fait un objet entre les mains de l'antisémite. Hein, donc les juifs n'existent que dans le regard et dans la manipulation qu'en font les antisémites. Et pourtant, quand on lit les deux thèses et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, la persistance de l'antisémitisme et la persistance des propos antisémites qui reprennent les mêmes caractéristiques psychologiques que décrit Sartre dans son texte lui donne un peu raison. Selon les analyses d'Arendt, comment expliquer qu'aujourd'hui le phénomène soit persistant après? Là, pour le coup, on est plus de 50 ans après le moment où elle écrit. L'idée même d'État-nation a beaucoup changé. Les camps d'extermination ont lieu. Et pourtant, on tient encore en 2019 des propos, on effectue des gestes antisémites. Ben, je vous donnerai une réponse très simple. C'est peut-être parce que les problèmes politiques et sociaux dont parle Hannah Arendt n'ont pas disparu et n'ont pas été réglés. Et que nous sommes peut-être toujours dans une situation, alors évidemment, qui a quand même évolué, qui a changé. Et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la Shoah, il y a eu une prise de conscience, il y a eu des changements évidemment. Mais enfin, nous sommes toujours dans On tague encore des croix gammées sur des boîtes aux lettres où il y a le portrait de Simone Veil, les cimetières juifs sont profanés. Oui, alors. On retombe dans la question tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une haine ancestrale et éternelle des juifs? Ou est-ce que la question se pose. Ou est-ce que ça veut dire que les conditions sociales et politiques qui ont permis l'émergence de l'antisémitisme au XIXe siècle sont toujours là? Et donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et vous pensez qu'Arendt se rangerait de quel côté? Ah ben, c'est certainement la deuxième hypothèse qui serait retenue par Arendt. Enfin, il me semble. Mais je vous avoue que je penche aussi plutôt de ce côté-là. Mais c'est une question ouverte, si vous voulez. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'antisémitisme est une question non résolue. Est-ce que lire ce texte aujourd'hui peut nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Le fait qu'elle montre qu'il y a un lien entre la modernité sociale et politique européenne et la question de l'antisémitisme me semble quand même